Bon, on est finalement dans notre premier vrai rendez-vous mystère depuis le début du festival. Je crois que le jingle s'impose. Je pense que je vais mettre le Oui, exactement. jingle. Rendez-vous mystère. Archie Radio. Bon, bienvenue aux invités mystères. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est double mystère parce que on s'est rencontrés vite hier soir pendant le repas et j'ai connu ton nom et ton prénom que je ne vais pas dévoiler et j'en sais pas plus. Donc, ça va être pour moi aussi une découverte mystère. D'ailleurs, par contre, oui, le seul indice que j'ai, je sais que tu es là au festival parce que. D'ailleurs, comment tu es arrivé au festival? Qu'est-ce que tu vas faire dans ce festival? Ben, comme la plupart des artistes, proposer une pièce qui n'est pas ma pièce, qui est en fait, je serai plus interprète. Exactement, interprète. Mais est-ce que ton nom est sur le programme, par exemple? Le nom est sur le programme, oui. Le nom est sur le programme. Je ne vais Donc, pas vous dévoiler la pièce. on ne va pas dire le numéro de la page, ni le jour. Donc, est-ce que. Donc, c'est quoi ton activité artistique, en général? En général, je travaille essentiellement avec le médium de la performance, où il y a toujours aussi une dimension sonore dans mes projets. Donc, est-ce que tu actives toi-même des sons quand tu fais des performances? Alors, en général, c'est plutôt mon corps qui va activer des sons, ou alors je travaille avec des musiciens, des musiciennes qui, eux, en fait, travaillent la dimension sonore des Ok. projets. Donc, c'est une performance où tu danses, où ton corps, il a... Le corps est en mouvement, oui. Après, on ne peut pas parler de danse, mais voilà. Ok. Et est-ce que tu viens de quelle région du monde? De Suisse. De Suisse, Oui, ok. Originaire de Suisse. Vous, l'accent, c'est peut-être plutôt suisse romande? Oui. Suisse romande, ok. Jonathan, oui. Je vais faire un petit truc. Est-ce qu'on peut aussi proposer peut-être la place qui n'a pas été mise en jeu, enfin qui n'a pas été gagnée, Ah, oui. pour quelqu'une qui trouverait peut-être qui est l'invité mystère? Rudy a une très bonne idée. Donc, on va réouvrir la place qu'Emmanuel ne peut pas avoir parce qu'il part. Oui. Donc, qui va deviner l'invité mystère? Donc, vous pouvez appeler à tout moment, comme ça, il y aura la place pour le concert de ce soir et ça sera de plus en plus facile puisqu'on va commencer à découvrir l'activité de notre invité mystère. Exactement. Bon, peut-être on peut dépister l'histoire. Je vais peut-être plutôt que explorer notre invité mystère. Hier soir, j'ai vite tapé sur internet questions et invité mystère et du coup, je suis tombé sur des sites qui proposent des questions pour des potentiels invités mystères. Alors, j'avoue que je ne suis pas très sûr qu'ils vont être très pertinents pour découvrir une personne, mais bon, je les ai transcrits. Je commence un peu à random concept. Rien n'a été préparé, on est d'accord, non, on ne se connaissait pas. Toi non plus, tout est préparé. Très, très bien. Donc, à quoi pensez-vous le soir avant de vous coucher? J'espère dormir, en fait. Un bon Très indice. bien, ça c'est un très bon indice. Peut-être quelqu'un va appeler tout de suite. Est-ce qu'une mauvaise habitude que vous poursuivez? On va dire. Vous pouvez aussi ne pas répondre. Non, non, l'eau tiède avec du citron le matin, voilà, en me levant. Ah oui, ça c'est une mauvaise habitude. Ah, j'ai cru, des habitudes. Ah oui, Ah, pardon, non, une mauvaise habitude, oui. Ah, mauvaise habitude? Alors, j'ai pas d'idée là. Pas de mauvaises habitudes. Pas de mauvaises habitudes. Bon. Donc, c'est une personne Moi, j'en ai plein, si très tu équilibrée. C'est bien, ça nous dit un autre 10. Est-ce que vous avez un objet qui ne vous quitte jamais? Oui, un pendule. Un pendule? Voilà. Que vous avez toujours dans votre poche ou dans une petite trousse, oui. Dans en une velours. Petite trousse. Et c'est un pendule que vous utilisez pour vous guider? Pour prendre des choix, bon, c'est quoi un pendule? Pour C'est prendre des... porte-champ. Oui, plutôt une forme de grillerie, en fait. Ok. Donc là. Et c'est quelque chose que vous utilisez dans vos performances ou dans votre travail? À chaque performance, il est toujours à quelque part, en fait, proche Ah oui. de moi. Voilà. Donc Clara Louvre, des indices très pertinents. Je continue sur ces questions délirantes. À quoi ressemble votre fond d'écran d'ordinateur? Alors, je ne choisis jamais, en fait. Non, ah oui, donc voilà. Ah oui, c'est l'ordinateur qui choisit. Oui. Ok. Donc, plutôt esclave de les technologies, plutôt que... Non, c'est à l'envers, le contrôle. Plutôt, justement, le laisser aller, en fait. Alors, ça, elle allait... La surprise, on va dire. Juste après celle de l'ordinateur, parlez-nous de votre pire coiffure. Je peux sauter. Pense, hein. C'était peut-être à 19 ans quand j'étais fille au pair en Angleterre. Là, je vous donne plein d'indices. Ouais. J'avais fait des tresses africaines avec des rajouts acajou jusqu'au postérieur. Ok. Voilà. Et ça elle est assez, assez marrant. Tu préfères passer toute ta vie seule sur une île déserte ou bien entourée des clones de toi-même? Ben, c'est un peu la même chose pour moi. Oui, c'est ça. Non, j'ai beau aller sur une île, ils seront où elles seront toujours là, en fait. Oui, mais tu les vois pas. Moi, je les vois. Là, tu les vois. Ok. Donc, est-ce que Rudy, il y a pas est-ce que la ligne est occupée par le nombre d'appels? Je suis un petit peu débordé là, je suis désolé, ouais, parce qu'il y a trop d'appels, mais il n'y a pas encore de bonne réponse. Ok, alors on va continuer cette découverte de notre personnage mystérieux par des questions peut-être plus inhérentes au festival. Quel est votre genre musical préféré? Je pense quand même plutôt rock. Plutôt rock? Oui. Ok, et qu'est-ce que c'est la musique actuelle selon vous? C'est la musique contemporaine. Ok, qu'est-ce que c'est la musique contemporaine? Est-ce que le rock est musique contemporaine? Oui, s'il a été fait de cette époque-là, on peut le considérer comme contemporain. Comme contemporain. Est-ce que contemporaine et actuel sont équivalents? Pour moi, c'est des termes assez similaires. Oui. Similaire. Est-ce que moderne, c'est contemporaine et actuel? Est-ce que ces trois mots, on pourrait les mettre en... Non, quand on parle par exemple d'art moderne ou d'art contemporain, on différencie deux époques. Exact, oui. Pourquoi selon vous? C'est une question de chronologie pour se repérer dans l'histoire. Oui. On sortait du jeu, alors ça nous reste encore 25 minutes. Donc, vous m'aviez dit 15. Personne n'en a dit. Moi-même, je suis de plus en plus perdu de savoir qui c'est ce personnage mystérieux. Si vous pouviez, peut-être celle-là, ça va donner en direction. Si vous pouviez donner un nom à un cocktail, lequel choisirez-vous? Un nom à un cocktail ou... Oui, ou si vous pouvez l'inventer aussi. Waouh. Si vous-même, vous devriez être un cocktail. Ah oui, l'autre jour, j'ai regardé un film et elle voulait la queue du diable. La queue du diable. Voilà. C'est un cocktail, ça? Oui. Vous avez découvert c'est lequel? Non, moi, je ne connais pas. Mais... Alors, sauf erreur, je crois qu'il y a du vermouth, du gin, jus d'abricot et du sirop grenadine. Ça a l'air assez dégueulasse, mais juste l'idée de la queue du diable me plaisait. Ah oui. Oui. Voilà. Et est-ce qu'on reviendrait peut-être à des questions plus proches du festival? Oui, oui, oui. Par exemple, si tu restes une journée à vivre, tu ferais quoi? Si ce serait la dernière jour, si ce serait le jour du festival, ce serait le dernier jour à vivre. Alors, et tu devrais faire ta performance, est-ce que tu la changerais? Ou tu ferais la performance? Non, j'irais nager. Ah, tu irais nager? Oui. Là, c'est un grand indice. Un grand indice, parce que nager, ça peut être une performance. Oui, et ça a été une performance. Voilà. Alors là, personne n'appelle, vraiment, je ne comprends pas. Tu aurais nagé où? Dans le lac. Dans le lac? Oui. Dans le lac Léman? Oui. Ouais. Ah, ouais. Peu importe la saison. Peu importe. D'ailleurs, je me baigne toute l'année. Donc. Plutôt côté Valais ou plutôt côté Genève? Est-ce que c'est différent, l'eau? Vu que j'étais censée être ici, j'aurais dit Genève. Donc. Voilà. Ah, quelqu'un. Attention. Incroyable. Je crois que c'est indice du lac Léman. Allô. Rudy? Oui, c'est Natacha. C'est Natacha. Bonjour Natacha. Alors, tu es en direct de Archi Radio et tu es là pour découvrir L'invité mystère. Donc, si tu n'écoutais pas la radio, je te laisse inventer. N'importe. Je t'appelais pour les fiches de celle-là. Non, alors j'écoutais effectivement le son, pas le son mystère, l'invité mystère, oui. Et je viens de trouver. Ah, c'est vrai ? Non. Oui. Ok. Je crois. Ok, bah, j'écoute. Elle s'est trahie avec son dernier indice sur la performance aquatique. Ah oui, d'accord, alors on écoute. Tout ça très coup, je dirais que c'est Anne Rocha. Bravo, bravo, bravo. Donc Natacha, tu as gagné bien sûr une entrée, voire même peut-être un abonnement pour tout le festival, vu la difficulté. Un plat du jour aussi. Un plat du jour, exactement. Et un plat du soir, et un dessert. Boisson offert et un café. Et un café. Voilà. Et ben génial. Bravo Natacha, merci beaucoup d'avoir appelé. Et à très bientôt dans le festival. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup à ces détectives de l'extrême. Ça. Bah, du coup, là, maintenant, le voile est dévoilé. Anne, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Donc maintenant, on peut parler peut-être de ton intervention au festival ? Oui. Oui ? Que ça va se passer quel jour ? Alors, ça sera dimanche. Et en fait, on est trois interprètes pour faire une pièce qui s'appelle Swinging Speaker de Gordon Monaghan. Ok. Donc, qu'est-ce que tu vas faire avec bon, le titre, c'est assez, ça donne des indices, mais est-ce que... Alors, le titre nous mène un peu en erreur, parce que quand on parle de swinging, c'est plutôt un balancement, et là, on va plutôt faire une rotation sous la forme d'une spirale, en fait. Avec des objets. Avec des objets lumineux et sonores. Et les objets changent, ou c'est toujours les mêmes objets ? C'est toujours les mêmes objets, en fait. Ok. Voilà. Donc c'est une performance d'endurance aussi. Oui, il y a un travail très physique en fait. Oui. Comment en fait c'est arrivé que tu sois conviée à réaliser la performance ? Alors à la base en fait les deux autres interprètes ils l'ont déjà fait plusieurs fois et ils voulaient faire une fois avec une femme, ce qui n'a jamais été fait. Et puis ils cherchaient quand même quelqu'un qui travaille avec le corps dans un rapport assez physique. Et du coup, la directrice du festival, Marie Janson, a proposé en fait mon intervention. Et pour toi, c'est une évidence en fait. Enfin, par rapport à ton travail, il y a quelque chose qui semble assez. Alors c'est très très similaire dans le sens où je cherche constamment à trouver en fait un geste le plus minimum possible, être dans une forme très minimale aussi, avec une efficacité en fait dans ce qui est donné à voir. Et aussi ce rapport aussi d'état modifié de conscience que je cherche constamment dans mon travail et qui sont aussi présents dans cette œuvre. Je me demandais si en fait il y a quel est ton rapport au son, à la musique dans ton travail en général, puisque c'est souvent très corporel. C'est souvent corporel, mais il y a quand même toujours un lien avec en fait le son. Qui est très présent. Après, je pense que je suis encore un peu trop timide pour faire du son. Donc, je cherche toujours un peu des manières détournées. Voilà. C'est indirectement sonore. Voilà. Ouais. Et j'ai cru comprendre que vous alliez aussi remplacer Chris Cole dans une interprétation de World Music. Oui. Samedi, et donc je ne sais pas si vous avez déjà commencé les répétitions ou si vous pouvez nous en dire plus aussi sur cette performance. Alors, non, malheureusement. On n'a pas encore commencé et c'est, voilà, je connais très peu l'œuvre. Et voilà, les répétitions vont commencer demain. Et on vous a donné une partition ou quelque chose ou pour le moment c'est vraiment abstrait encore ? Pour le moment c'est assez abstrait en fait. On va travailler avec deux étudiantes de l'EDA, l'école de design et d'art du Valais, où j'enseigne aussi en fait. Donc ça sera deux étudiantes, Renan Barchi et moi, sur cette pièce. Et après, ça reste assez mystérieux pour l'instant. Vous avez eu un workshop, sauf erreur, à l'EDA. Je ne sais pas si toi, tu as vu un petit peu comment ça s'est déroulé ou... Non, okay. Pas du tout. Avec Mac Isley Oui, mais alors, je n'étais pas présente. Pas okay. Voilà. Super. Ben merci, Anne. Merci à vous. On va vous retrouver les prochains jours dans le festival.